Alors, comment s'est passée la rentrée ? Bien, ma fille est en quatrième, mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous ? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thibaut ? Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine.